Yeah, de plus en plus, je pense à l'avenir. J'ai juste des conséquences de mauvais souvenirs. Le passé affecte le futur comme un buzz. Affecte mon cerveau, ça s'en vient de plus en plus dur. De rester en dedans, quand il fait beau, tu dors avec un bad dans la bouche, je relaxe. Peut-être que je consomme trop, mais quand j'y pense, je vais loin. Dans mon futur, j'suis encore ici incertain. Je sac mon poing pendant que le bon tu frappe. Rarement seulement à coup de poing. Dangereux en sacrament, même pareil. J'suis dans l'oreille puis j'entends. Tout le monde attend. Resurrect, mais j'suis psychopathe. On arrive dans pas longtemps. Sois attaché vos trucs, puis watchez vos tympans. Dans ta face, y'est en plein dents. Le wax est très dindant. Mais yo, à cette heure, j'me dis que c'est fini de bon temps. Sauf quand j'agis, j'pense avant. Est-ce que j't'en ai tout le temps fenêtre perdant? Parce que comme si mon chemin est tracé, en tout cas, faire avec mes chutanés. L'avenir rendu proche, d'or, c'est rendu gros rush. Face à l'école, trop poche, tout le monde me regarde croche. Christ, tu sais de chez moi, seul l'avenir me dira, yo. Seul l'avenir me dira, yo, yo, yo, yo. Resurrect, tout le monde me regarde croche. 2002, bitch.